très grosse nouvelle dans le monde du sport, c'est Samuel Girard qui a été échangé hier des Prédateurs de Nashville à l'Avalanche du Colorado dans un échange à trois équipes. Donc, les Sénateurs qui ont cédé d'abord le gardien Andrew Hammond, le choix de première ronde au repêchage de 2018 et un choix de troisième ronde au repêchage de 2019, ainsi que l'attaquant Shane Bower, leur sélection de première ronde 28e au total en 2017. Du côté des Prédateurs, on a envoyé évidemment à l'Avalanche le choix de deuxième ronde au repêchage de 2018. Comme je l'ai dit, le défenseur Samuel Girard et ainsi que l'attaquant Vladislav Kermanev qui a été sélectionné en deuxième ronde 2014 au total. Évidemment, dans cela, les Sénateurs qui obtiennent Matt Duchesne et les Prédateurs de Nashville Tankers obtiennent Kyle Turris. Donc, c'est une transaction majeure. On va essayer d'avoir au cours des prochains jours des différentes réactions, soit de Samuel ou encore du père de Samuel Girard, Tony, au cours des prochains jours. Maintenant, on va parler aussi que hier, les Saguenay de Chicoutimi hier est en action. Les Saguenay qui ont joué pour 500 au cours de la fin de semaine. Les Saguenay qui ont remporté une belle victoire de 6-0 contre les Sea Dogs de St. John. Kevin Clément a marqué 2 buts dans la victoire. Il y a également Zachary Lavigne qui a aussi marqué 2 buts. Vincent Ouellette-Milot a marqué dans la victoire aussi. Et dans l'autre match, les Saguenay qui ont perdu 6-3 contre le Dakar de Bellecomo. Dans le match, Félix-Antoine Marcotti, Vincent Ouellette et Ryan Smith ont marqué les buts. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis Jonquière ont remporté une victoire de 5-2 sur Trois-Rivières. Dans le match, Jean-Simon Allard, Derek Malouin, Francis Trudel, Alexandre Kisnel et Hubert Poulin ont marqué les buts. Et c'était le premier match de Philippe Paradis dans l'uniforme des Marquis. Il a été blanchi. Ligue Midget 3, les élites de Ville-Saint-Denis ont remporté une victoire de 3-2 sur le collège Albatros. Mickey Sim à Wachiche de Massouillache, un but de passe. Ligue junior régionale maintenant, les Éperviers de Normandin ont gagné 5-2 sur les Saguenay de Chicoutimi. Et Ligue midget régionale, le Marcos Pop de Saint-Félicien a gagné 2-1 sur les Ambassadeurs de Chibougamau. Et les Castors de Debout qui ont perdu 6-4 contre Jonquière. Patinage de vitesse sur courte piste, il y avait des qualifications canadiennes au cours de la fin de semaine. Maud Tremblay de Debout s'est signé très bien fait avec une 11e place. Catherine Mailloux de Saint-Félicien a terminé au 13e rang. Léonie Brandette de Saint-Félicien a pris le 23e rang. Karina Momini également a s'est classée de même que Flavie La Rocheroy qui a terminé au 28e rang. Le sport local et régional, à dans le réseau sport.com, on s'en occupe.